Chapitre 30e. L'atelier où Juliette devait rencontrer Erol était celui-là même où, quelques années auparavant, elle avait vu pour la première fois le tableau des Semailles, l'atelier du sculpteur Rolls. Parti depuis un mois pour passer la saison d'hiver à Rome, Rolls avait remis la clé de son atelier à son ami Erol, qui avait eu l'intention de travailler là à une grande machine. La machine n'était pas encore commencée. La toile même qu'il devait couvrir n'avait pas été commandée chez le marchand, mais enfin, depuis un mois, la clé de cet atelier lui avait été remise. C'était cette clé qui lui avait donné l'idée d'amener Juliette à Passy. Retourner rue de 16, il n'y fallait pas songer. Juliette y arriverait sous une impression de trouble et de crainte. D'ailleurs, cet ameublement d'hôtel lui répugnait, en même temps que le sourire des garçons le révoltait. Ce n'était point au milieu de ces meubles, qui avaient servi à des myriades de voyageurs, qu'il voulait que Juliette se donnât. Les souvenirs qu'il emporterait de là se trouveraient mêlés à des souillures. À Passy, au contraire, il pouvait faire disposer l'atelier de son ami suivant les fantaisies de son amour. Plus de garçons à éviter, plus de meubles flétris sous les yeux. Et, tout plein de cette idée, avant même d'avoir le consentement de Juliette, mais croyant l'obtenir un jour ou l'autre, il avait transformé l'atelier du sculpteur. Un bourgeois amoureux eût attendu d'avoir une certitude, mais Rolls n'avait pas pris la vie par le côté modéré. Il avait fait transporter dans la chambre de Rolls tout ce qui garnissait l'atelier, et ensuite il avait meublé cet atelier à son goût. Un large divan en satin noir, un tapis de Smyrne, des jardinières pour mettre des fleurs, une grande glace pour que Juliette pût arranger ses cheveux, et devant le châssis vitré, un immense tore doublé de serge épaisse, de sorte que quand il était déroulé, il interceptait la lumière aussi bien que des volets matelassés. Juliette pouvait venir, le nid pour l'abriter était digne d'elle. Là, au moins, il n'aurait pas honte de la recevoir, et en même temps, il serait rassuré contre tout danger extérieur. On savait dans tout le quartier que cet atelier appartenait au sculpteur Rolls. Si l'on y voyait entrer Juliette, on ne devinait donc pas qui elle venait voir, car lui-même n'y paraîtrait que les jours de rendez-vous. Et comme le pavillon dans lequel se trouvait l'atelier avait deux entrées, l'une sur le boulevard Suchet et l'autre sur l'avenue Raphaël, les soupçons des curieux, s'il y avait soupçons et curieux, seraient déroutés. Ils n'arriveraient pas ensemble, ils ne sortiraient pas ensemble. Tandis que Juliette gagnerait la station de Passy, lui irait à Auteuil. Comment pourrait-on les surprendre ? Jamais tant de précautions n'avaient été réunies. Aussi, malgré le mot inquiétant par lequel elle se terminait, la lettre de Juliette le transporta-t-elle de joie. Enfin l'heure était venue, enfin elle allait être à lui. Car il n'était plus au temps où il pouvait attendre plus ou moins patiemment qu'elle se donnât. De brûlantes convoitises l'enflammaient, et dans cette longue alternative d'espérance et de déception, ses désirs s'étaient exaspérés. Il ne l'aimait plus comme au premier jour, il l'aimait avec toutes les fièvres, tous les emportements de la passion contrariée. Il fallait qu'elle fût à lui, et si elle ne voulait pas se donner, il était bien décidé à la prendre. D'ordinaire, lorsque Juliette venait chez sa mère, elle attendait pour sortir que Madame d'Alifard fût retournée à Nogent avec son fils, c'est-à-dire qu'elle ne quittait la rue des Vieilles Audriettes que vers 2 heures pour arriver à 2h30 boulevard Malesherbes. Elle restait 1 heure avec sa mère, et vers 3h30, elle rejoignait Erol aux environs du parc Monceau. Mais, pour aller au rendez-vous de Passy, elle fut obligée de changer ses habitudes, et elle ne put pas attendre que sa belle-mère fût partie. Quand elle descendit dans le cabinet de son mari, elle trouva Madame d'Alifard travaillant à son bureau. « Tu sors ?» dit Adolphe, qui, loin de s'inquiéter des absences de sa femme, trouvait qu'elle ne faisait pas assez de visites. « Je vais chez maman. »« Déjà ?» dit Madame d'Alifard. « Ce n'est pas votre heure habituelle. C'est mon heure aujourd'hui. Voilà précisément pourquoi j'ai fait mon observation. Trouvez-vous étrange que je sorte maintenant ? Pas du tout. Je croyais seulement qu'avant d'aller chez Madame Nélis, vous aviez peut-être quelque autre visite à faire. Vous vous trompiez dans vos conjectures. Je vais chez ma mère directement. » Cela fut dit d'un ton si sec qu'Adolphe s'inquiéta. Il prit la main de sa femme et lui fit signe de se calmer. Mais Juliette n'avait pas envie d'insister. C'était presque malgré elle qu'elle avait par l'accent donné tant de valeur au mot « vos conjectures ». Madame d'Alifard resta un moment déconcertée, et Juliette comprit qu'elle se demandait sans doute si Flavien ne l'avait pas trahi. Mais elle avait une façon de dissimuler ses émotions qui ne permettait pas de les surprendre. Elle se plongeait dans une addition, et la plume à la main, elle descendait une colonne de chiffres de manière à cacher son visage. « Voulez-vous emmener Félix avec vous ?» dit-elle en relevant la tête. « Je ne compte pas partir aujourd'hui avant 2 heures. »« Je craindrais de vous faire attendre, car je ne reviendrai pas directement ici. J'ai des visites à faire. »« Quand tu voudras, » dit Adolphe. « Vous voyez donc bien, » poursuit Madame Dalifard, « que j'avais raison de m'étonner de votre départ précipité. Que cette visite se fasse avant d'aller chez votre mère ou qu'elle se fasse après, c'est toujours une visite. » Juliette sortit assez troublée par cette insistance de sa belle-mère. Peut-être était-il dangereux d'aller à Passy, mais il était trop tard maintenant pour prévenir Errol. Elle ne pouvait pas lui écrire, elle ne pouvait pas lui envoyer un commissionnaire. Que penserait-il s'il ne la voyait pas arriver? Il devait déjà être inquiété par la lettre qu'il avait reçue. Jusqu'où n'irait pas cette inquiétude, cette angoisse après 2 heures, après 3 heures d'attente vaine? Elle devait aller à Passy. Elle ne voulait rester que quelques minutes chez sa mère, mais quand elle se leva pour partir, celle-ci se fâcha. On l'abandonnait, on la laissait vivre dans l'isolement. C'était pourtant bien assez terrible de se sentir mourir de jour en jour, sans encore avoir la douleur de se voir mourir seule. Mais elle ne se plaignait pas, c'était là le sort de la vieillesse. Si seulement on lui donnait son petit-fils, mais non, c'était Madame Dalifard qui l'accaparait, de quel droit? Est-ce qu'elle, Madame Nélis, n'était pas capable d'élever un enfant, de lui donner de bonnes manières, de l'habituer à des usages convenables? Était-il décent de voir un enfant dire à table « Je veux de ça » ou « Je ne veux pas de ça » Pendant plus d'une demi-heure, Juliette avait dû écouter ses plaintes. Enfin, elle avait pu partir. En arrivant au boulevard Malesherbes, elle avait renvoyé sa voiture de place, car elle se défiait maintenant des cochers. Elle en prit une autre au coin du parc et se fit conduire à la station de Courcelles. Si on la suivait, il serait bien difficile de ne pas la perdre dans cette gare de jonction où l'on peut prendre toutes les directions. Avant de demander son billet pour Passy, elle attendit qu'il n'y eût personne autour du guichet et ce fut d'une voix étouffée qu'elle fit sa demande. 8 minutes après, elle traversait la pelouse du Ranelagh, se dirigeant vers l'avenue Raphaël. Il était 3h05, elle ne serait pas en retard. Arrivée au milieu de la pelouse, elle retourna la tête. Elle ne vit que des gens paisibles qui n'avaient pas l'air de s'inquiéter d'elle. Cependant, si rassurée qu'elle fût contre un danger immédiat, elle se sentait dans un état de surexcitation extraordinaire. Son cœur, qui battait violemment, s'arrêtait par moments tout à coup. Elle était à la fois brûlante et glacée. C'est que ce rendez-vous auquel elle marchait ne ressemblait en rien à ceux qui l'avaient précédé. L'arrivée d'Errol à Nogent sur la véranda avait été une surprise. Les quelques minutes pendant lesquelles elle était restée rue de Sèze avaient été une surprise aussi. Mais maintenant, ce rendez-vous était préparé, il était attendu. Et les sentiments qui en ce moment agitaient Errol, enfermée dans l'atelier, la troublaient aussi elle-même. La distance qui les séparait était encore grande, et cependant, une affinité mystérieuse, quelque chose de plus subtil, de plus puissant qu'un courant électrique, passait déjà de l'un à l'autre et faisait que sans la parole ils s'entendaient, sans le regard ils se voyaient, sans les bras ils s'étreignaient. Par l'imagination, par le désir, ils étaient l'un à l'autre. Elle parcourut rapidement la longue allée qui de l'avenue conduit à l'atelier et vivement elle tourna la clé qui était à la serrure. Mais après avoir poussé la porte, elle s'arrêta avec surprise. L'atelier était sombre, elle ne voyait rien devant elle. Francis n'était-il pas là? Devait-elle entrer? Devait-elle sortir? Comme elle se posait cette question, elle aperçut Errol dans le rayon de lumière que laissait passer l'entrebâillement de la porte. Puis, presque instantanément, la porte fut refermée et elle se trouva dans l'obscurité. Deux bras vigoureux la soulevèrent, elle se sentit emportée. « À moi, chère Juliette, à moi !» Elle ne se défendit pas, mais aux lèvres d'Errol, ses lèvres répondirent par un long baiser. 6 heures avaient sonné depuis assez longtemps déjà, lorsqu'elle sortit de l'atelier. Il faisait nuit. Mais elle n'avait conscience ni de l'heure, ni de la nuit. Elle marchait dans un rêve. Elle ne pensait à rien, elle ne craignait rien. Elle était anéantie. et elle ne se sentait vivre que par les secousses délicieuses, les vibrations toutes puissantes de ses nerfs agités.